Chapitre 348, l'interdiction de couvrir les tombes de plâtre et de construire sur elles. 1767. D'après Jabir, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a interdit de couvrir les tombes de plâtre, de s'y asseoir et d'élever des constructions par-dessus. Muslim.